telle l'idée de m'en sortir. Non, mon histoire n'est pas celle d'un martyr. Je me battrai jusqu'à mon dernier soupir. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et de quelques bananes. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et au moins d'une femme. Tatoué sur le cœur et le naufrage titanique. À l'intérieur je me présente Attila Reinberg, l'homme qui a avalé un iceberg. J'évolue dans ce monde corrompu, entre frissons crus et sales histoires de cul. Je ne vaux pas un copec, je ne vaux pas un écu. Mon signe astrologique c'est la corde du pendu. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et de quelques bananes. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et au moins d'une femme. J'ai mon mal dedans qui ne me lâche pas. J'ai mon mal dehors qui ne se voit pas. Quand je marche, la terre s'écroule sous mes pas. Dans mes nuits infinies, je saute les repas. Mais je porte mon blues comme une bagouze. Et j'évite de chialer comme une grosse tarlouse. Les traces d'impact sur ma carlingue sont des souvenirs de vieux coups de flingue. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et de quelques bananes. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et au moins d'une femme. La matrice n'est pas une amatrice. Dans ma vie, la justice n'a jamais triomphé, alors qu'il y en a qui collectionnent les trophées. J'évolue dans ce monde corrompu, entre frissons crus et sales histoires de cul. Je ne vaux pas un copec, je ne vaux pas un écu. Mon signe astrologique, c'est la corde du pendu. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et de quelques bananes. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et au moins d'une femme. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et de quelques bananes. Un homme n'a besoin que d'une simple cabane, un peu de soleil et au moins d'une femme.